18e chapitre. Le dernier ligueur. Depuis votre voyage à Nantes, monsieur de La Fontenelle, dit Mercœur, il s'est passé bien des événements en Bretagne, et malheureusement, malgré tous mes efforts, le prestige de la Ligue s'est dissipé de jour en jour. Vous avez pu le voir, j'ai su résister avec fermeté à toutes les propositions avantageuses qui m'ont été faites, comme j'ai repoussé avec mépris les accommodements qui m'ont été offerts. En vain, le maréchal de Lavardin est venu jusqu'à moi, me promettant mon pardon et me pressant, au nom du roi, de céder à ses sollicitations. Je suis demeuré sourd à ses prières, car j'aurais eu honte de rendre mon épée alors que je pouvais encore la tenir haute et ferme dans ma main. Mais hélas, malgré la mort de Daumont et le départ de Saint-Luc, j'ai perdu l'une après l'autre les places qui m'appartenaient et j'ai vu diminuer le nombre de mes soldats, décimés autant par la maladie que par la guerre. Toutefois, cependant, les ligueurs n'ont pas cessé de se comporter comme des héros dans toutes les affaires où ils se sont trouvés. Récemment encore, ne viennent-ils pas de se couvrir de gloire devant Kimmerch ? Eh bien, il est cruel de l'avouer ici, aujourd'hui nous sommes aux abois. Tous nos exploits et nos brillants faits d'armes ont été inutiles. « Et que prétend faire votre Altesse ?» s'écria impatiemment La Fontenelle. « Rendre mon épée au roi et solliciter mon pardon. » « Et vous voulez sans doute ?» « Que je rende aussi la mienne, monseigneur. Avez-vous la prétention de résister seul au Béarnais, comme vous avez résisté à monsieur de Sourdéac ? Du moins, monseigneur, j'en ferai l'essai, si, avec tous les braves ligueurs que vous commandez, vous consentez à venir vous enfermer avec moi dans mon fort de l'île Tristan. Si j'étais certain de maintenir la Ligue en Bretagne et de relever ce noble parti, je m'empresserais, monsieur, d'accueillir avec joie votre proposition. » Mais vous connaissez trop la guerre pour espérer qu'à nous deux, nous puissions résister avec succès aux armes royales. D'après les lettres que j'ai reçues récemment, j'apprends que Henri sera bientôt en Bretagne et qu'il est à la tête d'une 15 000 hommes. Le bruit de son arrivée a tellement impressionné les ligueurs qu'ils se sont réunis dans cette ville pour déterminer ce qu'il leur reste à faire dans la triste situation où ils se trouvent. Appelé par nos amis à Quimperlé, aussitôt mon arrivée, je vous ai écrit et mandé vers moi pour connaître vos projets et vous communiquer les miens. Recevez mes remerciements, monseigneur, pour l'honneur que m'a fait votre Altesse en m'appelant ici. Mais sachez, puisque vous voulez connaître mes desseins, que la venue du roi ne me fera pas abandonner mon île et que je suis déterminé à y attendre de pied ferme mes ennemis quels qu'ils soient. En un mot, je ne ferai pas ma soumission et je préfère 1000 fois m'ensevelir sous les décombres de mon fort plutôt que d'abandonner la Sainte Ligue et implorer ma grâce d'un monarque huguenot. « Mais il ne l'est plus !» s'écria Mercœur avec irritation. « Pour votre Altesse, peut-être !» répondit avec force La Fontenelle. « Quant à moi, je n'ai jamais été la dupe de son abjuration. Elle n'a été qu'une comédie dans laquelle il a merveilleusement joué son rôle. Alors, votre intention est bien de résister au roi de France. Et votre Altesse refuse de s'unir à moi contre le Béarnais ?»« Oui, car cette témérité serait voisine de la folie. Puisque vous ne voulez pas partager mon sort, eh bien, monseigneur, je me défendrai seul dans l'île Tristan. Cet entêtement vous coûtera cher, monsieur de La Fontenelle. Vous croyez, monseigneur ? Je le répète, quand on ne peut résister, il y a folie à ne pas vouloir céder. Permettez-moi de n'être pas, à ce sujet, du même avis que votre Altesse. Ainsi donc, veuillez faire savoir aux ligueurs rassemblés dans cette ville que s'ils veulent se soumettre, je me détache de leur cause et suis bien décidé à ne rendre mon épée que quand j'aurai été délogé par la force de Douarnenez. » Ces paroles furent prononcées par Guy Hédère avec une fierté qui parut étonner Saint-Laurent et Tournabon. Quant à Mercœur, il en fut piqué au vif et répliqua en ces termes. « C'est fort bien, monsieur, je transmettrai votre résolution aux capitaines ligueurs réunis à Quimperlé, et puisque vous le voulez, vous resterez aux prises avec le roi de France. Quant à moi maintenant, je n'ai plus rien à me reprocher. En considération de votre famille et à cause des services que vous m'avez rendus à la bataille de Craon, je voulais sauver votre tête en péril, mais puisque vous repoussez mes conseils, ne vous en prenez qu'à vous-même des malheurs que votre imprudente conduite ne va pas manquer de vous attirer. « Je sais supporter l'infortune, monseigneur !» répliqua audacieusement La Fontenelle. « Et y suis habitué depuis longtemps. C'est possible, mais vous n'avez jamais su la respecter !» s'écria Mercœur plein d'indignation du ton arrogant de Guy Hédère. Monseigneur, je l'ai respecté toutes les fois qu'il l'a fallu, objecta hypocritement la Fontenelle en se radoucissant. Non, monsieur, jamais vous n'avez respecté ni le malheur, ni les trêves, ni les femmes, ni l'hospitalité, ni même votre serment. Je ne vous comprends pas, monseigneur, dit la Fontenelle en rougissant de colère. Avez-vous donc déjà oublié les massacres du Granec et de Plogastel, l'enlèvement de mademoiselle Mézarnoux, Pinmar, Pontcroix et madame de la Ville-Rouault? Croyez-vous qu'en vous rendant coupable de ces horribles méfaits, vous n'avez pas mille fois mérité la corde ou la roue? Cette question fit naître dans le cœur de la Fontenelle une fureur terrible qui pensa éclater. Outre plusieurs griefs qu'il avait contre le duc, il ne pouvait lui pardonner d'avoir incendié le château du Granec. Cependant, réfléchissant aux fâcheux effets que produirait sa violence en cette occasion, il parvint à se maîtriser et répondit avec un calme apparent. « Puisque vous trouvez, monseigneur, que je suis un grand coupable et que j'ai mérité la mort, pourquoi voulez-vous que, dans ma position, j'aille follement me soumettre et livrer ma tête au roi ? Je vous ai conseillé de faire votre soumission, car je sais l'inutilité de la défense, et si j'insiste pour cela, c'est que je suis certain que si vous osez résister au Béarnais, vous n'obtiendrez jamais votre pardon. Au contraire, si vous lui rendez votre épée en même temps que la mienne, alors sa clémence s'étendra sur vous et sur vos soldats. » Et qui me garantira la clémence royale? Personne, mais connaissant la loyauté de notre monarque, je suis persuadé qu'en vous voyant mettre bas les armes, il en sera reconnaissant, et qu'en faveur de votre famille, et eu égard à Lavardin, qui l'honore d'une façon toute particulière, il vous pardonnera et vous accordera des lettres d'abolition. D'ailleurs, monsieur, je fais ici le serment de ne pas vous abandonner et de plaider chaudement votre cause pour les services que vous m'avez rendus et que je ne saurais oublier. J'intercéderai donc pour vous, soyez-en sûr, et je ne désespère pas d'obtenir votre grâce. »